ses 20 spectacles et performances hors du commun, 12 installations technologiques gratuites et 4 nuits endiablées à la cuisine. Prépare-toi Québec, le Moi Multi éveille tes sens du 2 au 25 février. MoiMulti.org. Aujourd'hui, à l'aérospatiale, le Transcultural Exchange débarque à Québec, un retour sur la fermeture de la galerie Lacerte Art Contemporain et un survol des installations du Moi Multi. Eh bien, bonsoir, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. C'est Audrey Caro qui est avec vous pour vous accompagner cette semaine à la découverte, bien sûr, du merveilleux monde des arts visuels dans notre belle capitale. Et cette semaine, je suis très heureuse de vous retrouver parce qu'on a des sujets assez diversifiés dont j'ai envie de vous parler. Notamment, il se passe cette semaine, de jeudi à samedi, un événement très important ici dans le milieu des arts qui s'intitule le Transcultural Exchange. On va le découvrir davantage. Qu'est-ce que c'est cet événement important qui va réunir des artistes et des gens de la communauté des arts visuels de partout dans le monde, donc qui vont se réunir ici pour cet événement-là. On va le découvrir avec Jeanne Landry-Bello qui est artiste mais aussi une grande bénévole pour cet événement-là et qui a un petit quelque chose à voir avec la venue de cet événement ici à Québec. Par la suite, je vais faire un bref retour. Il y avait hier une conférence menée par le Club des collectionneurs d'art visuel, menée par Maître Marc Bellemare. Donc, il faisait un retour, un peu une discussion avec Louis Lacerte sur la question de la fermeture de la galerie Lacerte Art Contemporain. On ne nous avait pas encore parlé à l'émission, mais on va le faire tout à l'heure parce qu'on attendait d'avoir un petit peu plus de détails, hein, parce que ça avait été annoncé dans les journaux, mais en vrai dire, ça avait été fait très, très rapidement et on attendait d'avoir des informations. Donc, j'en aurai quelques-unes à vous donner d'ici un peu avant 18 heures. Et sinon, en deuxième moitié d'émission, bien, je recevrai mes chroniqueurs. Il y aura Julien Saint-Georges Tremblay ainsi que Héloïse Plamondon-Pagé. Nous allons discuter ensemble des installations du Moi Multi qui sont présentées notamment à la coopérative Méduse. Mais également, on va discuter de cette œuvre Sustainable Den de Grim Patterson qui est présenté à la Galerie des Arts Visuels également. Et j'aurai peut-être à la fin quelques petites nouvelles pour vous avant l'agenda de la semaine. Donc, on s'en va écouter tout d'abord un premier extrait. C'est moi cette semaine qui ai fait la sélection audio. J'ai fouillé dans mes... Oui, je vais le dire, dans mes CD. Et j'ai retrouvé ce très bon album de We Are Wolves, un groupe québécois que j'aime beaucoup, on va dire surtout cet album-là, qui s'intitule Total Magique. Et on s'en va écouter Fight and Kiss. Eh bien, on débute cette émission en compagnie de Jeanne Landry-Bello. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme on le disait, on discutait ensemble avant d'entrer en onde. Tu es une artiste impliquée parce que tu as eu un rôle à jouer dans l'avènement de cet événement important que sont les conférences du Transcultural Exchange à Québec. Oui. Un événement qui est normalement présenté à Boston, mais là, que tu as réussi à faire venir déplacer ici. Enfin, avant de poursuivre, je t'invite à nous présenter qu'est-ce que c'est exactement le Transcultural Exchange. D'accord. Ben moi, j'y ai participé à deux reprises à Boston. Donc, ça fait 10 ans que c'est un événement qui est biannuel. C'est un congrès, finalement, qui réunit des artistes de partout dans le monde, des conférenciers qui sont à la fois des artistes, des professeurs, des historiens de l'art, des écrivains, des producteurs de films. Ça touche vraiment beaucoup de pratique, de discipline. Puis en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est des organismes aussi qui vont présenter leurs programmes de résidence, qui vont proposer leurs installations, leur façon de fonctionner, mais de partout. Donc moi, personnellement, quand j'y suis allée, c'était vraiment en mode de prospection. J'allais voir où j'avais envie de me projeter, surtout en Asie. Tu sais, j'avais un objectif bien précis. Je voulais aller rencontrer des organismes asiatiques, voir un peu comment que ça se passait pour aller faire un programme de résidence là-bas. Puis, parce qu'il y en a de partout, là, de la Turquie, Asie, Afrique, oui, ben, finalement, Istanbul. De tous les continents, finalement. Exact, là. Exact. Mm-hmm. Donc moi, je suis allée 2 fois. La première fois, c'était quelqu'un qui m'en avait parlé. On est monté toute une petite gang, puis en fait, on était deux étudiantes. Puis, en fait, je suis allée là-bas j'avais pas des grosses attentes. Je me suis laissée surprendre par l'événement, en fait. J'ai été très surprise de voir à quel point je baignais avec une certaine proximité avec des artistes que j'aurais jamais eu accès, même à Québec, tu sais, m'asseoir avec des artistes comme BGL dans le temps. Pour moi, c'était comme être avec des superstars. Mm-hmm. Donc, il y avait une proximité, là, avec des artistes qui me parlaient de leur pratique, puis qui avaient exposé dans des grands musées, puis j'étais, mon Dieu! Mais en même temps, c'était super enrichissant, puis c'était vraiment stimulant, parce que ça me mettait devant une accessibilité à l'international. Donc, moi, j'ai rencontré, entre autres, un centre d'artistes sud-coréen là-bas. La personne qui représentait le centre parlait même pas anglais, donc on avait un interprète anglophone entre nous. Puis moi, j'ai pas un excellent anglais, donc c'était drôle la façon qu'on communiquait. Puis finalement, c'est avec eux que ça l'a le plus cliqué. Puis chez eux que finalement j'ai été invitée là, quelques mois plus tard à aller faire participer à un symposium en Corée du Sud. Donc pour moi, ça a vraiment été une espèce de kick super puissant parce que je faisais ma maîtrise à l'époque puis j'allais étudier les valeurs humaines sur la frontière pratiquement nord du Sud là, de la Corée sur les valeurs humaines. C'était quand même intense là, comme réflexion. Effectivement. Alors... la première fois, ça m'a apporté jusque-là, puis ça m'a permis aussi de parler puis de réaliser à quel point, à Québec, on n'était pas beaucoup représentés, donc j'arrêtais pas de parler des centres d'artistes de Québec, de dire « Hey, dans ma ville, il y a plus de 6 centres d'artistes autogérés. » Puis pour moi, c'était vraiment un plaisir là, d'être un peu l'ambassadrice de Québec là-bas. Mm-hmm. Puis ensuite, la deuxième fois, j'y suis retournée pour, entre autres, remercier le centre d'artistes qui m'avait, ben l'organisme artistique qui m'avait accueilli, mais aussi pour consolider certaines rencontres que j'avais faites. J'avais envie de revoir aussi des gens avec qui j'avais participé au symposium en Corée. Donc, pour moi, c'était une façon à la fois d'aller baigner dans un milieu extérieur de ma ville, mais aussi pas juste américain, là, vraiment international. Donc, Oui, c'est ça, parce que ça m'apparaît être un événement de beaucoup d'opportunités, là, oui. Justement, parce qu'il faut peut-être le dire aux auditeurs. Oui, on parle de congrès, mais qu'est-ce qu'il y a dans un congrès? Bien, comme celui-ci, on a des conférences, il y a des périodes pour faire voir son portfolio aussi par des gens du milieu. Ça, j'imagine, nous aider à améliorer notre portfolio comme artiste aussi. Oui, c'est carrément un accompagnement professionnel pour améliorer finalement son portfolio ou tout simplement avoir un feedback d'un artiste qui pourrait avoir une pratique similaire ou... ou tout simplement aller discuter avec un artiste professionnel qui est très avancé, qui peut nous aiguiller sur... Il y a un côté très entrepreneurial là, à ça. Ouais. Puis il y a aussi des ateliers où on peut être formé sur différents aspects. Je regardais là, notamment comment avoir un bon site web aussi, ouais. Comment bien choisir une résidence artistique également. Donc, ça a l'air simple, mais en même temps, c'est pas chose facile non plus, tout ça au travers. Il y a des tables rondes, il y a des tours guidés, il y a des pechakucha qui finalement, c'est des centres ou des institutions qui viennent nous présenter leur organisme aussi. Donc, en quelques minutes seulement, là, je pense. En 3 minutes, oui. Mais quand même, ça donne un bel aperçu des possibilités aussi qui s'ouvrent à nous sur le plan mondial. Ben c'est ça. Moi, c'était un 3 minutes qui m'avait donné mon coup de cœur avec la Corée du Sud. Alors, moi, j'allais là pour voir d'autres centres d'artistes. Puis finalement, c'est ce petit 3 minutes-là qui a fait le tipping point, là, le point de bascule dans... Parce que j'avais pas du tout prévu aller là. Puis finalement, c'était cette... Donc, c'est des 3 minutes qui peuvent être hyper puissants, les pechakucha. Ah, ben c'est vraiment le fun. Et dis-moi, tu as été comme l'instigatrice, on peut dire, de l'avènement de ce grand congrès-là ici à Québec. Parce que comme on le disait en introduction, c'est un événement qui, normalement, a lieu à Boston. Oui. Comment as-tu réussi à convaincre les organisateurs à venir ici? Ben je vous ferai pas tout le résumé, mais en gros, ça a été une invitation très naïve au départ que j'ai faite à Mary Sherman. J'étais en position en fait, c'est un événement que je voyais encore aller de loin. Puis à un moment donné, je me suis dit, il me semble que ce serait le fun que ça se passe à Québec. Mm-hmm. Donc, j'ai écrit à Mary Sherman en lui disant, écoutez, si vous avez envie de... Si vous pensez venir l'installer à Québec un jour, votre événement, bien, je vais vous aider. Alors, c'est ça qui s'est passé. Je l'ai accompagnée dans ses rencontres, entre autres avec la Chambre blanche. Il y a un an et demi, là, on a fait un gros 5 à 7 où on avait invité toutes sortes d'intervenants du milieu culturel de Québec, les musées, les centres d'artistes, et pas que ça, là, des lieux aussi là et des organismes. Il y avait le CALC, entre autres, puis la Ville de Québec. T'sais, on avait vraiment invité plusieurs personnes pour, finalement, lui montrer à quel point ça pouvait être pertinent de venir faire l'événement ici, d'autant plus que Boston, c'est pas très loin et que avec les circonstances politiques actuelles, de faire venir des artistes de partout dans le monde, notamment de certains pays qui peuvent être plus fragiles, c'était intéressant de les inviter à Québec aussi. Donc, il y a un côté très diplomatique à l'événement qui faisait sens à Québec. Puis finalement, ben, de fil en aiguille, ben, avec l'Université Laval, c'est devenu l'hôte académique parce que c'est un événement qui doit à la fois être, entrepreneur, mais aussi le milieu académique doit avoir une place majeure, puisque à Boston, ce sont les universités qui payent tout l'événement, dans le fond, qui soutiennent l'événement. Okay, Donc, c'est vraiment les universités qui bénéficient beaucoup de cette rencontre-là. Mm-hmm. Donc, là, l'Université Laval est devenue l'hôte académique pour Québec, mais il y a beaucoup d'organismes aussi qui ont été sollicités là, pour cette édition-ci au centre-ville. Oui, effectivement. Et c'est quand même une approche avec laquelle on est... moins familier ici au Québec, ce genre de regroupement-là. Enfin, moi, étant dans le milieu artistique aussi, tu sais, les gens regardent ça en se disant, mais qu'est-ce que c'est exactement comme événement? C'est quand même, c'est ça, quelque chose qu'on est moins habitué, peut-être l'aspect entrepreneurial est différent, est développé de manière différente ici qu'ailleurs, si je peux dire, ou peut-être moins ici, je sais pas. Effectivement, c'est qu'ailleurs dans le monde, des subventions aux artistes, il n'y en a pas tant que ça. Donc, on a un superbe système pour le soutien des artistes au Québec. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir une approche comme ça. Mais ce qui est intéressant pour un artiste québécois de participer à ça, c'est vraiment au niveau des relations puis de où il veut se projeter sa carrière internationale. Développer un réseau finalement autre que local, mais de voir au-delà de ça, là, si on peut dire, étirer ses tentacules. Oui, puis même au niveau des collaborations, tu sais, on a des artistes et entre autres, il y a des gens qui ont des pratiques artistiques sur des terrains de guerre, là. Puis je veux dire, on n'a pas nécessairement ce genre d'environnement environnement-là ici. Oui. Donc, ce qui est intéressant, c'est les échanges qui peuvent naître de ça, les collaborations de production artistique. T'sais, si on rencontre un artiste avec qui ça clique, puis que finalement, on se retrouve à faire un projet sur développer une pratique sur, je sais pas moi, le développement durable dans mm-hmm. certaines... Tout ça, c'est possible. Puis c'est ce genre de projet-là que j'espère qu'ils vont émerger de ça. Puis aussi... d'exporter un peu notre mode de fonctionnement. Oui, oui, de montrer une autre façon de faire qui est la nôtre, oui, c'est parce vrai. Parce qu'on a une belle liberté d'expression ici, puis je pense que c'est ça qui est intéressant. En tout cas, moi, je suis super contente que ça ait lieu ici parce qu'on va pouvoir à la fois faire rayonner nos artistes, mais aussi faire rayonner notre façon d'exprimer mm-hmm. l'art puis de supporter la production artistique. Oui, tout à fait. Vraiment un très bon point que tu soulignes. Et là, peut-être pour les gens qui nous écoutent, on a des artistes ou des gens du milieu qui sont à l'écoute, mais comment ça fonctionne au juste cet événement-là? Ben, en fait, comme on disait tout à l'heure, ben, c'est sur un horaire de 3 jours. Il y a des séances de portfolio, des conférences, mm-hmm. Des ateliers. Donc, on s'inscrit tout simplement. On peut s'inscrire à la journée, on peut s'inscrire sur 3 jours. Il y a un tarif étudiant, un tarif régulier. Puis, ben, en fait, ça va se tenir dans 3 lieux principaux. La Maison de la littérature, le Marine Center puis l'Auberge internationale. Donc, dans ce petit noyau-là, oui. Il va y avoir toutes les activités. Puis, il va y avoir évidemment une soirée d'ouverture, une soirée de clôture. Entre autres, la soirée d'ouverture, ça va être Bernard Gilbert qui va faire la conférence d'ouverture, celui qui va diriger le projet Diamant de Robert Lepage. Oui, oui. Puis, la soirée de clôture, ben ça va être super parce que ça va mélanger le mois multi avec les conférences de Transcultural Exchange. Ça se passe tout à Méduse, là. Ah, donc, finalement, on va faire un beau mélange là, à la fin de tout ça. C'est bien. Et dans le fond, si je comprends bien, on peut à la fois payer à la journée, comme tu disais, oui. Mais aussi, je pense qu'il y a des activités qu'on peut payer à la carte aussi. Oui, mais les séances de portfolio, c'est oui. à la carte. Par contre, je vous avoue que là, je ne sais pas si on doit être inscrit à l'ensemble des conférences pour avoir accès aux séances de portfolio. Les portfolios, me semble, à mon souvenir, c'est à part. Oui, c'est ça. Comme les conférences, ça aussi, c'est payant. Oui. Aussi? Okay, ben en parfait. Fait, c'est soit on s'inscrit à la journée pour assister aux conférences, effectivement. Parfait. De toute façon, tout est détaillé parce qu'on ne vous passera pas ici en revue tous les événements parce que j'ai la grille sous les yeux et il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Donc, on le rappelle, c'est à compter de ce jeudi 22 février jusqu'à samedi le 24. Allez voir le site web qui est le transculturalexchange.org. Toutes les informations sont là-dessus. On peut aussi acheter s'inscrire et acheter nos places finalement oui. Pour ça. Et peut-être rappeler aussi l'espèce de thème hein, qui est Opportunities in the Arts, Exploring New Horizons. Oui. Et peut-être terminer là-dessus parce qu'on en a, on l'a rapidement évoqué quand on s'est rencontrés tout à l'heure. Ça va être vraiment, je pense, un moment, tu me disais, vraiment d'échange cette fois-ci, vu que c'est à l'extérieur. Oui, mais c'est que l'organisme en tant que tel vit un changement réel de culture, là. Il sort de sa zone de confort. On est dans un milieu francophone ici. C'est sûr que les conférences ont lieu principalement en anglais, mais les conférenciers sont pas nécessairement anglophones. Moi, je vais avoir mon texte quand que je vais être modératrice, là, puis mm-hmm. Je veux être certaine que tout le monde comprenne bien, mais il y a un réel défi d'échange culturel là, dans cette édition-ci. Puis mm-hmm. Au niveau, ben, c'est sûr que les artistes, le monde culturel est créatif, mais j'ai bien hâte de voir comment si les prochaines éditions vont continuer aussi à circuler dans le monde, là, dans différentes cultures. Exactement. En tout cas, ce sera probablement un bon début, on l'espère. Merci beaucoup, Jeanne-André Bellot, d'être venue parler de ça. Alors, on va faire une pause audio, toujours avec We Are Wolves, et on s'en va écouter Magique. Magicien, Et voilà, on va poursuivre cette émission de l'aérospatiale, toujours sur les ondes de CKRL 89.1. Et j'avais envie de revenir un petit peu sur un événement qui s'est tenu hier grâce, si on peut dire, au Club des collectionneurs en art visuel de Québec. C'était un événement où on recevait Louis Lacerte, le propriétaire de la galerie Lacerte Art Contemporain. Donc, Monsieur Lacerte est venu parler de ce qui a motivé un peu du parcours de la galerie, hein, qui quand même existe depuis 44 ans ici à Québec, mais qui va fermer ses portes le 31 mars prochain. Comme je vous disais en introduction, on a appris de manière un peu rapide au retour des fêtes que la galerie allait fermer ses portes et on se demandait qu'est-ce qui avait peut-être motivé tout ça. Et hier, justement, j'avais des espions qui étaient à cet événement-là pour me faire un petit compte-rendu, bien sûr, de ce que M. Lacerte a présenté, parce qu'il faut le dire, avant tout, hein, cette galerie-là a été ouverte par sa mère, Madeleine Lacerte, qui est une figure incontournable quand on parle de l'art visuel à Québec. Et justement, il s'est permis de faire lors de l'introduction, un retour historique un peu sur la galerie, comment tout ça était né, et il rappelait comment sa mère au départ avait vraiment fait ça, a fait ça tout simplement pour les artistes, hein, pour soutenir les artistes et non pour elle. Elle en gardait très peu d'argent, mais elle y croyait vraiment beaucoup. On le sait que la galerie Lacerte présentait des artistes majeurs comme Jean-Paul Lemieux, également Serge Lemoine. Donc, vraiment, des artistes qui ont marqué le milieu des arts visuels. Et dans le fond, il y a eu des années fastes, ce qu'il expliquait aussi durant tout ça, des années où vraiment les gens étaient au rendez-vous, mais aussi les ventes aussi l'étaient, hein, notamment à l'expo de Serge Lemoine qui avait eu lieu en 88 avec sa rétro, en même moment que sa rétrospective au Musée national des beaux-arts du Québec, mais aussi Monsieur Lacerte a aussi souligné l'appréciation des collectionneurs de Québec pour l'œuvre de Marcel Ferron, cette grande dame des arts visuels, bien sûr, où on avait eu vraiment une belle réception ici pour son travail. Et la galerie avait ouvert à l'époque sur la côte, aujourd'hui on la connaît sous la côte du Nord, mais elle était située au départ sur la rue Maguire. Mais voilà, cet espace aujourd'hui de la côte du Nord donc va fermer, comme je le disais, le 31 mars. Et qu'est-ce qui a vraiment, si je peux dire, motivé tout ça? Bien, il y a une certaine volonté de vouloir peut-être se reconcentrer vers ce qui intéresse M. Lacerte maintenant, qui est davantage le second marché. Il faut dire qu'il a une très grande réserve d'œuvres d'art. Donc, quand on parle de second marché, qu'est-ce que c'est? Mais c'est des œuvres d'artistes qui sont soit décédés, des œuvres plus anciennes, si je peux dire, qui datent, qui ont été revendues, donc que leurs propriétaires ont revendues et qui ont été rachetées, par exemple, par la galerie. Et voilà, donc, qui lui va revendre. Bien, il y a tout un projet Buy Dealers qui l'a beaucoup occupé, qui lui a demandé beaucoup d'énergie, qui regroupe plusieurs marchands d'art qui vont soit vendre à une clientèle fixe, mais aussi vendre avec des maisons d'enchères également. Donc, c'est un peu ce qui va l'occuper pour le reste, un peu ce vers quoi la galerie va se tourner maintenant. Donc, à Québec, ça ferme, mais il va quand même garder, je pense, pignon sur rue à Montréal et représentera quand même un certain nombre d'artistes actuels, donc qui faisaient partie de la galerie, mais va quand même conserver son bureau à Québec et une partie de sa réserve aussi à Québec. Et il faut dire aussi que ça lui demandait beaucoup d'énergie pour les vernissages et le développement aussi que ça implique auprès des jeunes artistes aussi. Bon, enfin, il faut dire que lui, ce qui le passionne avant tout, c'est sa passion de la collection. Ce pourquoi, justement, il va davantage se concentrer là-dessus. Mais ce qu'il a souligné, c'est que pour lui, ça a toujours fonctionné par des coups de cœur, mais aussi par des cohérences dans la démarche des artistes qu'il représentait, le côté personnel que ces artistes aussi donnaient à leurs œuvres et avant la réputation même de l'artiste, enfin, nous disait-il. Montréal. Et on m'a souligné que Martin Bureau, qui a déjà été représenté à l'époque par M. Lacerte, disait que une des qualités de cet homme était qu'il ne créait pas de bulles de spéculation autour des jeunes artistes, mais vraiment il allait de manière très réaliste autour de leur travail. Enfin, bref, c'est une nouvelle page qui se tourne chez Lacerte. Reste qu'il y a encore des événements jusqu'au 31 mars qui vont avoir lieu, et disait-on aussi lors de l'événement qu'il y aura peut-être des événements spontanés comme ça chez Lacerte, parce que maintenant c'est Alexandre Motulski-Falardeau qui reprend en main cet espace-là, mais il va y avoir peut-être de temps à autre des petites expositions qui s'est pop-up à cet endroit-là, donc fait par Lacerte, bien sûr. Alors voilà, il a aussi évoqué d'autres commentaires, mais enfin que je ne trouve pas nécessairement pertinent ici de vous dire, mais qui étaient davantage ses opinions personnelles sur le milieu de l'art contemporain, des arts visuels aussi, et de la manière aussi comment les collectionneurs ont évolué, peut-être des gens qui étaient davantage connaisseurs, selon ses dires, à l'époque, un petit peu plus connaisseurs et intéressés, et moins dans le vedettariat, si on peut dire, et la volonté d'avoir des artistes à la mode, en quelque sorte. Mais enfin, bref, comme on le dit, ce sont ses propos à lui et c'est son opinion. Enfin, bref, c'est bien dommage que cette galerie-là ferme, parce que quand même, c'est, comme on le disait, c'était une figure de proue pour le monde des arts visuels ici à Québec. Souhaitons que la relève continue bien à être assurée par les galeries d'art actuelles ici à Québec, notamment la Galerie 3, mais aussi Michel Guimond, qui a également quelques bons artistes aussi qui sont représentés par sa galerie. Alors, nous, on va poursuivre de couvrir, bien sûr, ces artistes, les expositions de ces galeries-là ici, et de vous parler du marché de l'art à Québec de temps à autre à l'émission. Alors, on va poursuivre, à vrai dire, on va plutôt aller en pause publicitaire et on va revenir avec nos chroniqueurs pour la deuxième moitié d'émission. C'est KRL 89.1 Québec. Le mois multi, Saldi, c'est un mois d'art multi. Audacieux, immersif, inspirant et pour tous les âges. Le mois multi, c'est plus de 24 jours de festivités regroupant 50 artistes de 7 pays. C'est 20 spectacles et performances hors du commun, 12 installations technologiques gratuites et 4 nuits endiablées à la cuisine. Prépare-toi Québec, le mois multi éveille tes sens du 2 au 25 février. Moismulti.org. Le 7e art est à l'honneur durant une heure. Tous les mardis, 18h30, en direct de la Ninkasi, au 811 rue Saint-Jean. Ici Pierre Blais. Toute l'équipe de Situation Critique vous y attend chaque semaine pour discuter de cinéma avec des critiques et des entrevues au menu. C'est un rendez-vous. Alors, on est de retour pour cette deuxième moitié d'émission de l'aérospatiale sur les ondes de CKRL. Audrey Caro, toujours avec vous au micro, et je suis accompagnée de mes collaborateur, Julien Saint-Georges Tremblay, bonsoir. Bonsoir Audrey. Ainsi que Héloïse Plamondon-Pagé. Bonsoir. Alors, on a, à vrai dire, on avait, je vous ai réunis ici parce qu'on parle finalement d'installations qui se trouvent dans la programmation du mois multi, bien sûr, qui bat son plein encore jusqu'à la fin de semaine. Oui, donc, exactement. Il nous reste pas beaucoup de temps pour aller voir notamment les installations qui sont à Méduse, Julien, oui, tout à fait. Que tu es allé voir pour nous. Oui. On va faire une petite revue donc de ce qui se trouve présentement à la coopérative. Commençons dans le studio d'essai, la salle multi où oui. on trouve le principal des installations. Oui, c'est ça. Donc, on a dans la salle multi, on a Camille Bernard-Gravel qui avait déjà finalement deux installations qui étaient déjà dans le corridor de Méduse, hein, qui sont là oui. depuis... Depuis l'ouverture. C'est ça, exactement, l'ouverture du mois multi. Donc, les deux œuvres... En fait, l'œuvre qu'elle ajoute, mais je dis deux œuvres, c'est parce que c'est... C'est comme un combiné qui va ensemble, c'est finalement. C'est ça, c'est un titre pour deux stations, deux prototypes, on dirait, qui répondent à la même thématique. Le titre, c'est « La poussée », en mm-hmm. fait. Donc, on a dans une section quelque chose qui se rapporte plus à un champ de fleurs, mais un champ de fleurs mécanique. Hein? Donc, oui. on est... Une nature, mais artificielle. C'est pas... Oui, ben c'est pour ceux qui connaissent Camille, qui est une artiste de Québec, hein, mm-hmm. une jeune artiste de Québec. C'est une bidouilleuse. Elle aime oui. travailler avec oui. des petits circuits, des trucs qui bougent en mouvement, mais beaucoup, je pense, sur la nature aussi. Oui. Hein. C'est ça, exactement. T'sais, c'est ça qui est toujours un peu, pas en contradiction, mais qui crée une belle tension, parce mm-hmm. que ça fait, il y a des mouvements un peu aléatoires, comme là, elle essaie de recréer le mouvement d'un champ qui, avec un vent, dans le fond, okay. une bourrasque de vent qui vient balloter des fleurs mécaniques, finalement, en acier. Mais c'est ça, ça a vraiment l'air juste d'une invention qu'on sait pas trop à quoi ça sert. Il y a beaucoup de morceaux de métal qui sortent un peu partout. Il y a notamment une section où c'est vraiment une sorte de buisson, hein, comme mm-hmm. une petite montagne avec il y a des gros morceaux d'acier comme tordus. Okay. Ça donne le côté artificiel ou bien structuré, il est plus là du tout. Tandis mm-hmm. qu'il y a une section où là, c'est vraiment... des lignes, finalement, plus comme un champ ouais. agricole, on dirait. On a l'impression. Tu sais, okay. Ou un jardin. Et là, la poussée, c'est ça, ça reste dans la même œuvre. De l'autre côté, il y a comme une sorte de... Balancier. Un balancier, exactement, qui en bois, qui, elle en parle un peu comme à la fois un bateau, mm-hmm. Mais aussi un cercueil. Il y a comme les okay. deux idées qui émergent. C'est vrai que la ouais. forme de la boîte peut nous faire penser effectivement à un c'est cercueil. Tu as bien raison. C'est l'échelle humaine, okay. en fait. Vraiment, c'est ça, c'est comme la longueur, c'est à peu près. C'est ça. Elle parlait d'un cercueil. Puis c'est ça, c'est quelque chose qui... Elle se balance finalement. Okay. Puis sur cette plaque de bois, il va y avoir de la limaille de fer. Une petite poussière très fine qui est... dans le fond, fixé à la plaque de bois, à ce cercueil de bois, pas nécessairement avec la colle, mais avec des aimants, finalement. Okay. Donc, c'est un champ magnétique qui va venir faire tenir cette limaille de fer-là. Mais évidemment, le champ magnétique, il est pas stable, dans le sens qu'il va pas, il est pas à l'épreuve de tout. Mm-hmm. Donc, le mouvement de balancier, hein, la gravité, va venir se faire déplacer la limaille tranquillement, on est dans la subtilité là, aussi. Tout à fait, c'est un tout petit mouvement très subtil, mais on peut tout de même, il faut se rapprocher hein. On touche pas évidemment à la limaille, mais on peut vraiment voir la limaille qui se dresse au contact du champ magnétique qui bouge en dessous mm-hmm. de la plaque de bois. Là après, ça, le but là-dedans, c'est d'essayer de recréer comme le mouvement d'une plage qui se transforme okay. avec le ressac, c'est vrai. Okay. Avec la plage, avec les vagues finalement. Donc, et c'est ça, la spiritualité, l'espèce de... La mort, finalement, qu'elle parle, mm-hmm. c'est ça, c'est cette force invisible-là, finalement. Mm-hmm. C'est comme ça qu'elle en parlait. C'est pas nécessairement volontaire qu'elle parle de la mort, mais on dirait que juste en travaillant les forces de la marée, les forces naturelles, est arrivée, on dirait, à cette spiritualité-là, finalement. Mm-hmm. Comme sans s'en rendre compte, mais en même temps, elle disait que ça fait tout à fait sens. Oui, effectivement. C'est-à-dire, pour elle, en fait. Oui, oui, oui. Ouais. Fait que finalement, puis en même temps, c'est drôle parce qu'il y a une autre installation tout à côté de Elle Sviane qui mm-hmm. est finalement aussi tout en subtilité, en douceur, parce ouais. que c'est que ça va nous demander c'est pas des trucs spectaculaires nécessairement. Non, donc, non. Ça nous demande un certain temps d'arrêt, un temps d'observation. Et explique-nous cette œuvre-là, Vibrant Matter, qui est juste à côté de cette œuvre-là, oui, de la poussée de Camille Bernard-Gravel. Oui. Parce qu'il faut, elle aussi, il faut de l'attention. Oui, ça, c'est l'œuvre la plus contemplative. Je sais pas, on verra. Je pense pas que c'est la plus contemplative. Il faut prendre son temps, c'est sûr. Mais visuellement, en tout cas, c'est le plus contemplatif, ça, c'est sûr. En fait, c'est une feuille de papier, quand même d'assez grande dimension, qui est posée sur un bloc de bois, un petit podium. Et là, cette feuille-là, je vous jure, là, elle bouge, finalement. Donc, après ma barre, quand on rentre, on dit, mais c'est fixe, tout ça. C'est vrai. Mais on se rapproche, et là, prenez un coin de la feuille, et là, il faut attendre. Là, il faut être patient, et la feuille va se mettre à bouger d'elle-même. Finalement, un peu un mouvement très lent, très subtil, qui ressemble à la limaille, comme tu le dis, parce que c'est encore les aimants qui créent cette magie-là, ce mouvement imperceptible. C'est-à-dire qu'il y a des aimants qui sont collés à la feuille de papier, des aimants dans le boîtier, le podium de bois. Et là, ces deux aimants-là, quand leur force vont se faire soit s'éloigner, se rapprocher. C'est ça qui va faire bouger la feuille de papier. Et on va entendre même la friction, finalement, du papier sur le bois, parce qu'il y a des microphones dans la boîte, finalement, en bois, et qui captent ces frictions-là. Donc, il y a quatre haut-parleurs autour qui, des fois, il y a un craquement qui sort d'un... on ne sait pas trop où, finalement. C'est ça, c'est le papier, le mouvement qu'on entend. C'est ça, parce que moi, quand je suis allée visiter, je t'avais accompagnée, et puis à un moment donné, je dis, ah, mais attends un peu, je t'entends dans le haut-parleur. Oui, donc, ça. Si la personne est quand même plus proche, on peut aller chercher les sons ambiants. Exactement. Aussi. Donc, ça demande une certaine attention, puis en même temps, ça, si on veut tout capter, ben, peut-être ça vaut la peine d'y aller quand il n'y a pas beaucoup de monde. Oui, c'est aussi, ça, exactement. Pour bien saisir, ouais. Vraiment, puis c'est ça, il y a même les bruits ambiants, des fois. On a de la misère à entendre tout, mais c'est ça. Faut juste attendre un peu. Oui, c'est ça. On s'arme de patience, mais on va découvrir quelque chose de bien. Puis en même temps, je disais que la forme que le papier prend lui avait été inspirée d'un voyage en Islande, je pense, des paysages qu'elle avait vus là-bas. Exactement. L'idée, c'est des plaques tectoniques ici. C'est vraiment l'Islande, hein, c'est une île volcanique qui est en constante transformation. Donc, elle essaie de reproduire ce mouvement-là, une sorte de mouvement de création de montagne, création de vallée. Puis le papier, c'est vraiment une idée intéressante d'aller chercher le papier qui est quelque chose de super fragile, mais finalement, la fragilité crée des vallées, des montagnes. Il y a vraiment des arêtes après qui ressemblent au sommet de montagne, finalement, parce que ça fait des lignes très géométriques qui ressemblent vraiment à des chaînes de montagne, juste là. Super. Et tout juste à côté, dans le studio d'essai, il y a un Danois qui nous présente une œuvre. Moi, je dois dire que ça a peut-être été mon coup de cœur. Effectivement. Ouais. Rapidement, est-ce que tu peux nous décrire qu'est-ce que c'est cette œuvre-là? Oui, donc le titre, c'est Aether. Et c'est en fait c'est le principe du térémine. Hein. C'est un instrument électronique qui utilise les champs magnétiques. Donc, vous avez déjà vu ça. C'est une petite boîte avec deux tiges de métal qui sortent. Hein, de cette boîte-là, et on approche les mains et c'est ainsi qu'on entend une vibration. Donc, l'instrument est sensible aux ondes magnétiques, aux champs magnétiques du corps, et c'est la même technique qu'il utilise Christian Scooge dans le projet, c'est-à-dire que c'est 16 anneaux de cuivre. Ah, des gros anneaux. C'est là. Immense. Hein, c'est beaucoup plus grand que la taille humaine. Et là, ces 16 anneaux-là, c'est comme 16 récepteurs à ondes magnétiques, à humidité également, à son. Hein? Donc, les ondes sonores aussi vont être captées par les anneaux. Et là, ces anneaux-là vont transformer ces vibrations-là, ces ondes-là, en ondes sonores, en basse fréquence, assez intense. Ça devient... on a l'impression que c'est vide, mais finalement, quand on rentre, le son est tellement puissant qu'on le ressent physiquement. Oui, c'est vraiment une expérience immersive. Puis moi, j'ai des gens qui m'ont dit moi, j'ai adoré, j'ai aimé ça, mais il y en a d'autres qui n'ont vraiment pas été capables. Fait non, que je pense c'est que c'est vraiment une œuvre à expérimenter. Tout à fait. Sur le plan physique. Puis elle réagit aussi selon si on est une personne ou plusieurs personnes, l'œuvre va se mettre à réagir différemment aussi, en tout cas à expérimenter certainement. Oui, vraiment. Oui. Et il y a Julien Maire qui est un petit peu plus loin aussi, Men at Work, qui a un mécanisme aussi intéressant. Vraiment intéressant. Il utilise là, l'impression 3D, en fait, pour créer un film. Donc, c'est un personnage qui va creuser son trou, finalement, qui creuse un trou sans fin. Donc c'est pas une pellicule, hein, donc en 2D, c'est vraiment comme plein de petits personnages qui ont été imprimés en trois dimensions, qui vont créer le film. Donc il joue sur l'image entre le 3D et le 2D, hein, qu'est-ce mm-hmm. qui est plus réel, l'objet en trois dimensions ou l'image qu'on voit projetée finalement. Mais c'est ça, on sent que cette réalité-là est toujours brisée parce que le rythme du film, il est très saccadé. Mm-hmm. Donc, on sent que c'est un stop-motion, admettons, de l'animation. Mais qui n'est pas très fluide. Mais qui n'est pas très fluide, tout à fait. Donc, on hésite un peu, on trouve ça plutôt comique. L'objet est superbe, je trouve. Oui. Moi, j'aime beaucoup le dispositif. C'est un projecteur à diapositive qui a été bidouillé encore un peu, façon maison. Donc... encore là, assez intéressant. Comme, oui, qu'il faut comme prendre, encore une fois, prendre le temps, mais quand on lui donne le temps, il ressort beaucoup de trucs intéressants, moi, je trouvais aussi, parce que ça nous permet, le côté saccadé nous permet aussi de prendre le temps de voir les personnages, mm-hmm. alors que si c'était une pellicule, elle défilerait, puis on n'aurait pas le temps de voir les images qui se trouvent sur la pellicule. Fait qu'en fait, il y a tout ça, ce parallèle cinéma, sculpture, finalement, oui, aussi, donc qui est dans tout ça. Mm-hmm. Et on invite aussi les gens à aller à Avatar pour voir aussi toujours Christian Scudge qui est là, mais qui présente une autre œuvre dont malheureusement on n'aura pas... Oui, Inclination. Mais je vous invite à aller la voir. Aller la voir, la des balles ping-pong qui revolent sur des haut-parleurs. Enfin, c'est une autre belle expérience immersive aussi, mais j'ai pris le temps de voir ça aujourd'hui, puis ça vaut la peine. Oui, vraiment. Merci, Julien. Ça fait plaisir. Et Héloïse, toujours dans la continuité du mois multi, toi, tu es allée du côté de la Galerie des arts visuels parce qu'il y a Graham Patterson, qu'on commence à bien connaître ici à Québec, donc qui présente toujours dans le cadre du mois multi A Sustainable Den. Donc, présente-nous cette œuvre-là aussi qui est interactive cette fois-ci. Exactement. Donc, pour cette exposition-ci, Graham Patterson, il a un peu décroché, ben pas décroché, mais il s'est un peu éloigné de son travail narratif antérieur en vidéo d'animation pour justement développer une œuvre interactive qui met en scène un raton laveur dans un bureau de fonctionnaires qu'on pourrait imaginer. En fait, c'est que cette œuvre-là, elle est née d'une invitation. Elle a été créée en 2016 parce que l'artiste a été invité par le groupe financier BMO pour présenter dans leur siège social à Toronto, au 68e étage du gratte-ciel, une installation qui serait là pendant un an. Donc, lui s'est intéressé un peu à l'époque où le gratte-ciel a été construit dans les années 70, puis fasciné par les interactions entre les citadins dans les villes et la nature et tout. Il s'est inspiré un peu de ce contexte-là pour développer ce genre de bureau dans lequel évolue un raton laveur. Puis aussi, pour avoir fait... il s'est beaucoup informé et tout, puis il a réalisé que les ratons laveurs ont commencé à venir s'implanter dans le centre-ville de Toronto et tout dans les années 70. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et maintenant, ce bureau-là est transporté, dans le fond, à la Galerie des arts visuels. Donc, quand on entre... on est vraiment face à un bureau inspiré des années 70 avec une grande tapisserie d'une forêt. Et puis, l'espace, il faut enlever nos souliers. On peut entrer et là, il y a une moquette vraiment avec des motifs là, des années 70. C'est assez drôle. Il y a aussi un raton laveur qui semble empaillé, mais en fait, c'est la maquette, si on veut, du raton laveur qu'il a animé image par image, qui est là. T'sais. Et là, on entre, puis on se retrouve devant une vitre comme givrée, puis il est rétro-projeté la continuité de ce bureau-là. Puis il y a le raton laveur qui vit, en fait, puis qui a l'air pris dans cet espace-là de bureau. C'est ça, comme si c'était... il était entré, puis là, il est coincé, là, il est pris. C'est plus par où sortir. Ouais, exactement. Et donc, le spectateur, il va se promener un peu dans le bureau et tout. Forcément, il regarde le raton laveur qui agit. Puis on va s'apercevoir que le raton, il va réagir un peu à notre présence. Mais c'est une réaction qu'on peut pas contrôler non plus. Mm-hmm. Donc, l'artiste a utilisé des logiciels de jeux vidéo pour programmer un peu des actions que le raton va faire de manière aléatoire. Mais des fois, si on se trouve à un certain endroit dans le bureau, ben là, il y a des senseurs en dessous de nos pieds, puis ça va faire en sorte que le raton va se gratter ou va essayer de déchirer la tapisserie au mur pour essayer de sortir, va se nourrir, va faire caca, va faire des traces de pattes sur les murs. Mm-hmm. Donc, c'est assez drôle, en fait. C'est très ludique comme installation, là. Puis aussi, il y a l'artiste qui depuis chez lui, a accès à ce logiciel-là. Donc, tu sais, le logiciel évolue, puis même la nuit aussi, il n'y a rien qui est arrêté. Donc, la bête continue de vivre, entre guillemets. Comme une vraie bête le ferait si elle était coincée dans un bureau, finalement. Exactement. Puis après ça, quand les spectateurs arrivent, c'est sûr qu'il y a une interaction. Ça va agir un peu sur les comportements de l'animal, mais pas toujours. Vraiment dans l'idée du raton laveur qui, de toute façon, qu'on peut pas jamais contrôler puis qui brise nos poubelles et tout. Je veux dire, le raton laveur va toujours gagner sur l'humain, en tout cas dans cette situation-là, puis dans la façon dont l'artiste voyait l'animal aussi. Puis au-delà de ça, je lui demandais un peu, tu sais, pour lui, bon, pourquoi, tu sais, c'était quoi pour lui cette installation? Puis il me disait que c'était vraiment au niveau des un peu des relations fausses ou des justement, tu sais, t'as le spectateur qui se trouve devant une faute, tu sais, dans une vraie pièce, dans une réalité, le spectateur est réel, mais il se retrouve devant une situation virtuelle, devant un animal virtuel, puis on a l'impression d'interagir avec lui, mais au fond, pas du tout. À l'autre bout, il y a l'artiste aussi qui peut influencer sur le logiciel, qui peut le repartir à neuf s'il veut, mais donc, tu sais, il y a comme ce lien-là entre la réalité virtuelle, la vraie réalité, l'artiste au bout, le spectateur, mais qui a comme un problème dans la communication de ces trois éléments-là aussi. Mm-hmm. Là. Puis, il y a des interférences. Oui, c'est ça. Puis aussi, ce qui est intéressant, en tout cas, de ce qu'il me disait, on n'a pas vu l'exposition qui est à Toronto, mais là, il paraît qu'il y a vraiment un rapport différent parce que la pièce est sensiblement la même. Elle a été quand même, tu sais, et dans les mêmes dimensions, il y a des choses techniques qui ont été modifiées. Mais, tu sais, par exemple, à Toronto, ils filmaient en temps réel la vue du gratte-ciel qui était projetée, tu sais, parce que dans ce bureau-là, il y a une fenêtre. Puis, donc, c'était la vue en temps réel dans le gratte-ciel. Mm-hmm. Donc, il y avait comme un sentiment quand même d'ouverture, tu sais. Et là, à la Galerie des arts visuels, c'est complètement autre chose. Là, on est au centre-ville. Mm-hmm. Il y a la vue en temps réel de la rue, mais c'est un sentiment plus d'emprisonnement, en tout cas de ce que lui remarquait entre les deux environnements, parce que on n'a pas de perspective, on n'a pas de profondeur de champ dans ce qui est filmé. C'est ça, on n'est pas au niveau du ciel, mais au niveau de la rue. Là. Exactement, t'as le trafic. Puis aussi, la Galerie des arts visuels est située au rez-de-chaussée, mais le plafond est très bas, donc c'est un sentiment un peu comme dans un sous-sol. Là, vraiment, la bête, elle est réellement enfermée à l'intérieur. Elle est réellement enfermée, dans sa cage. Exact. Lui, la comparaison qu'il faisait, c'était ça, là, que le sentiment d'enfermement était amplifié un peu par le lieu, la Galerie des arts visuels. Donc, vraiment à voir. Là, moi, c'est le fun parce que ça ouvre vers d'autres choses, au-delà du côté ludique, amusant, si on peut dire, du gadget, en quelque sorte, un peu. Il y a quand même une réflexion intéressante sur le monde virtuel, le monde réel. Et comme tu dis, cette interférence, cette incommunicabilité entre les différents intervenants, finalement. Fait que ça nous questionne sur notre place comme spectateur, véritablement, dans cette expérience-là. Là. Exact. Mm. Eh bien, merci beaucoup, Héloïse, d'avoir été voir ça pour nous. En tout cas, ça nous donne vraiment le goût d'aller faire un tour à la Galerie des arts visuels. Et je m'excuse, j'ai un peu massacré le titre. C'est « A Suitable ». Exactement. Excusez-moi. Puis juste dire aussi que c'est présenté jusqu'au 25 mars. Oui, c'est ça. Donc, le mois multi, parce que ça, c'est présenté dans le cadre du mois multi, mais le mois multi termine en fin de semaine. Oui, c'est ça. Mais ça c'est présenté tout le mois de mars, donc. Bon, mais super. Alors, on va avoir le temps, mais sinon, Julien, on se presse pour aller d'ici samedi, dimanche, voir les installations du côté de la coopérative Médius. Alors, on va faire une très brève pause musicale, toujours avec We Are Wolves, et je vous reviens avec une petite nouvelle et l'agenda de la semaine. Avant de conclure cette émission, j'avais envie de vous parler de rapidement de deux nouvelles en vrac comme ça. Il y a Giorgia Volpe. Si vous passez du côté du Simons, des galeries de la capitale, arrêtez-vous. Je ne sais pas par contre à quel moment ça va réouvrir parce que le magasin est fermé pour rénovation actuellement, mais c'est Giorgia Volpe qui a réalisé une très belle œuvre pour le magasin qu'on retrouve dans cette grande alcôve vitrée au-dessus de nous. Donc, levez la tête quand vous irez au Simons des Galeries de la Capitale. Donc, une très, très belle œuvre. Je vous ai d'ailleurs partagé sur notre page de l'aérospatiale, la page Facebook. Donc, cette œuvre-là, un petit article, justement. Donc, une œuvre quand même assez monumentale, mais qui est toujours dans l'esprit de Giorgia Volpe, cette artiste de Québec, donc à dimension sociale et écologique. Donc, c'est une œuvre qui s'intitule La Cime et qui est constituée à partir de vêtements recyclés, ça évoque des branches d'arbres, donc qui se retrouvent tout entrecroisées dans ce très bel espace qui est là, donc vraiment amène un élément naturel du côté de ce lieu de magasinage finalement, donc une très belle œuvre à découvrir. Et également, Manif d'art a annoncé donc tout récemment, donc c'est Jonathan Watkins qui va être à la barre de Manif d'art 9, le commissaire, le prochain commissaire de la Biennale de Québec. Et c'est sous la thématique des rapports entre l'art et la nature que va se pencher cette prochaine édition intitulée « Si petit entre les étoiles, si grand contre le ciel ». Si vous êtes des amateurs de Leonard Cohen, vous aurez reconnu ces mots ici. On rappelle que ça aura lieu à l'hiver 2019, cette manif d'art-là, et c'est toujours en partenariat avec en collaboration avec le Musée national des beaux-arts du Québec et bien sûr tous les collaborateurs habituels dans la ville de Québec aussi. Donc, juste rappeler que Jonathan Watkins est le directeur de la Icon Gallery à Birmingham depuis 1999, mais s'est aussi démarqué dans différents événements internationaux à Sydney, à Turin, mais aussi passé par les Émirats arabes unis. Enfin, bref, un commissaire d'envergure pour nous parler d'art et de nature. Et voilà, on y va très rapidement avec quelques événements à souligner cette semaine. Ce jeudi, c'est le vernissage de l'exposition Le Champ Monstre, Le Champ des Monstres de Christian Messier à Espace Parenthèse du côté du Cégep Sainte-Foy à compter de 17h30. Vous voyez aussi avoir le lancement de son recueil de nouvelles du même titre. Donc, apportez-vous un petit 15$ si vous voulez regarder tout ça. Il y a les histoires à l'intérieur, mais aussi des tableaux de l'exposition. Et sinon, à ne pas manquer, grosse soirée vendredi du côté de Méduse. Plusieurs vernissages chez Engram, Bande Vidéo, Vue et L'Œil de Poisson. Donc, tout le monde ouvre en même temps dès 18h. Et ça va se poursuivre plus tard dans la soirée. Donc, Evelyne Boulevard chez Engram, une artiste de Québec. Léna Mille-Royard présente Mitchere, je pense, chez Missaire, chez La Bande de Vidéo, une œuvre immersive et méditative. Et il y a une exposition collective chez Vue qui s'intitule « Appareillage », qui s'interroge sur la façon dont la pensée photographique transforme notre conception qu'on se fait de l'image et son influence qu'elle peut avoir sur les artistes, soit de d'autres disciplines, peinture, sculpture ou installation. Et du côté de l'œil de poisson, c'est Julien Boily ainsi que Manifa NEI qui présente une installation photographique. Et pour Julien Boily, bien, ce sont des peintures inspirées de l'infographie 3D, enfin, à découvrir dès 18h ce vendredi. Et ne manquez pas Don Darby à la salle Jean-Paul Lemieux, c'est la dernière semaine jusqu'à dimanche pour voir ça. Holos de Claude-Olivier Gay chez Materia et, bien sûr, on disait Le Mois Multi qui se conclut cette fin de semaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute de l'aérospatiale. On se retrouve, c'est Gentil à la France qui vous retrouve la semaine prochaine à la barre de l'émission. Merci à mes invités et à mes collaborateurs. Restez à l'écoute car Pierre Blais est en direct de la Ninkasi pour vous parler de cinéma avec son équipe sous l'émission intitulée Situation critique. Audrey Caro qui vous dit à mardi prochain, 17h30. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. 4 fois radio communautaire de l'année aux rencontres de la disque depuis 2010. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. L'Association canadienne pour la santé mentale filiale de Québec. Antitube. La Maison des femmes de Québec. Salle Albert Rousseau. L'Association pour la défense des droits sociaux, Québec Métro. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Ce mois-ci, au Palais Montcalm, Maison de la musique, ne manquez pas les grands standards jazz de la chanteuse Anne Bisson le 10 mars, le génie électroclassique de Niels Fram le 20 mars et un programme double de blues avec Jack Broadbent et Don Tyler Watson le 23 mars. Découvrez la programmation complète au palaismontcalm.ca. Le Palais Montcalm, la musique à son meilleur. En février, au cinéma Le Clap, c'est le mois de la famille. Voyez un film en famille chaque week-end. Aussi, 20 nouveautés dont Lady Bird dès le 2 février, le 15h17 pour Paris dès le 9 février, L'Insulte dès le 16 février, Nelly et Simon, Mission Yeti et Les Gardiennes dès le 23 février. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Qu'arrive-t-il si nous regardons en face ce que l'on refuse d'affronter? Dans notre ère de réseaux sociaux, nous nous présentons par tranches d'images filtrées pour lisser chacun de nos défauts, l'angle mort et la vérité que nous tentons de dissimuler. Danse, musique live et théâtre sont réunis pour faire émerger un spectacle enraciné dans nos vies. Angle mort, présenté du 20 au 24 février au Théâtre Premier Acte. Billets disponibles sur premieracte.ca. Pourquoi devenir membre de votre radio? Parce qu'on vous parle avec passion de cinéma, de poésie et de littérature sous tous ses aspects. Et parce qu'aussi, ça vous permet de soustraire 10% sur votre addition à la librairie Pantoute. Devenez membre sur ckrl.qc.ca. 3, 2, 1, go! À découvrir sur la fabrique culturelle. Je ne me suis pas beaucoup documenté justement sur le théâtre documentaire, mais j'avais une intuition que d'entendre la parole de gens ordinaires sur scène, ça pouvait être intéressant. Un portrait sur le collectif Nous sommes ici. Dans le collectif, on a eu la décision commune de mettre les projets d'Alexandre de l'avant parce que c'est vraiment lui l'idéateur principal qui arrive avec toujours avec des millions d'idées. Nous sommes ici. Tous les talents d'ici, une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv. En direct de la Ninkasi Saint-Jean, CKRL vous présente Situation critique en collaboration avec le cinéma Le Clap.